Je commence à en avoir assez d'être assise là, à côté de ma sœur, au bord de la rivière. Le pique-nique a été bien charmant pourtant. Les tartelettes aux cerises de maman étaient sublimes, vraiment. Mais maintenant, je m'ennuie. Il me faudrait une idée distrayante. Tiens, si je faisais une réussite. C'est drôle, un jeu de cartes. Ça ne va jamais que de 1 à 10. Et puis après, les valets, les reines et les rois ont chacun deux têtes, une en haut et une en bas. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Oh mon Dieu, qu'il fait chaud. Ce fut à cet instant précis qu'un beau petit animal tout blanc surgit d'un fourré voisin. Ça, par exemple. C'était un lapin tout blanc qui, en galopant, avait frôlé la jambe d'Alice. À sa grande surprise, le lapin s'arrêta, revint sur ses pas en sautant et se mit à lui parler. La jeune fille n'en revenait pas. Elle se frotta même les yeux tant elle croyait vivre un rêve. Le lapin, d'un ton excité, lui dit Oh mon Dieu, excuse-moi, petite fille, j'étais un peu en retard. En disant ces mots, le lapin qui, il faut le dire, était habillé d'un très élégant costume, tira une montre en or de sa poche. Vous savez, l'une de ces montres que nos grands-pères mettaient dans leur poche au bout d'une chaîne. Tout cela semblait surnaturel, n'est-ce pas ? Alice ne put s'empêcher de le lui faire remarquer. C'est bien la première fois de ma vie que je vois un lapin blanc aux yeux roses, vêtu de pied en cap comme un milord, et qui tire une montre de son gousset. Bon, excuse-moi, mais je suis très pressée. Au revoir, à la prochaine. Alice, tirée de sa torpeur par cet événement insolite, ne réfléchit pas plus d'une seconde. Elle bondit sur ses pieds et se mit à courir derrière le lapin. Elle arriva juste à temps pour le voir disparaître dans un terrier. Bravant sa peur, elle n'hésita pas et plongea dans le terrier à sa suite. Il y faisait presque noir, mais au bout de quelques instants, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité et ce qu'elle vit était proprement incroyable. Oh ! Oh ! Oh ! Elle se retrouva dans une sorte de puits très profond et roula sur le sol. Elle se releva et secoua un peu sa jolie robe pour en retirer la poussière. Elle observa autour d'elle. Les parois du puits dans lequel elle était tombée ressemblaient fort à une maison. Oui, une vraie maison, garnie de placards, d'étagères, d'armoires ornées de graphismes, de tableaux et de cartes géographiques. Tout à fait comme les murs de ma classe à l'école. Elle parcourut cet étrange habitat et ne put s'empêcher, en passant devant un buffet, de saisir négligemment sur une étagère une bonbonnière sur laquelle il y avait écrit « Mangez-moi, vous grandirez ». Ce fut ensuite au tour d'un bizarre flacon. Sur lui aussi était collée une étiquette verte. « Buvez-moi, vous rapetisserez ». Et enfin, sur une commode, elle vit une magnifique clé en or. La jeune fille, bien que très étonnée de tout cela, réfléchit posément. Je ne saurais dire pourquoi, mais j'ai l'impression que tout cela va m'être utile. Elle s'avança encore dans une sorte de galerie creusée dans la roche, d'où partaient plusieurs autres galeries. Oh, je vais bien finir par arriver quelque part. Tiens, on dirait que je touche au but. De l'endroit où elle était, elle vit l'entrée d'un tunnel dans lequel elle aperçut toujours le lapin blanc qui courait en se retournant de temps à autre. On eût dit qu'il l'attendait. Elle crut même voir dans ses yeux un petit clin d'œil l'invitant à le suivre. « Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard et que la duchesse va être en colère !»« Allons bon, mon lapin blanc a rendez-vous avec une duchesse. » Alice accéléra son pas, mais elle le perdit de vue en débouchant dans une grande salle toute illuminée de lustres en cristal. Il y avait des dizaines de portes autour. Elle alla de l'une à l'autre, essayant de les ouvrir, mais elles étaient toutes fermées à clé. Et la petite clé en or qu'elle avait gardée avec elle ne convenait à aucune des serrures. Cependant, elle finit par découvrir, le long du mur, une drôle de petite porte qui ne faisait guère plus de 20 cm de haut. « Oh, cette fois, la petite clé doit aller !» Oh ! Par un bel après-midi de l'été, je me suis laissée emporter au gré des dames, des as, des rois et des valets dans un drôle de jeu de cartes animées. Y'en a pas deux comme moi, je peux te l'assurer. Y'en a pas deux comme moi, à moins qu'avec toi ça ne fasse trois. Y'en a pas deux comme moi, je peux te l'assurer. Y'en a pas deux comme moi, à moins qu'avec toi ça ne fasse trois. Il me fallait rentrer dans le décor. Un lapin blanc me montra le chemin. Indirectement au grand prix d'effort, j'arrivais face à un si beau jardin. Y'en a pas deux comme moi, je peux te l'assurer. Y'en a pas deux comme moi, à moins qu'avec toi ça ne fasse trois. Y'en a pas deux comme moi, je peux te l'assurer. Y'en a pas deux comme moi, à moins qu'avec toi, toi, toi ça ne fasse trois. Pour me glisser dans la petite serrure, voir sa petite verre, toute ma curiosité. Y'en a pas deux comme moi, ça c'est sûr. Y'en a pas deux comme moi, je peux te l'assurer. Y'en a pas deux comme moi, à moins qu'avec toi ça ne fasse trois. Y'en a pas deux comme moi, ça je peux te l'assurer. Y'en a pas deux comme moi, à moins qu'avec toi ça ne fasse. Alice dut se mettre à quatre pattes devant la petite porte pour y introduire la clé. Cette fois, c'était la bonne serrure. Elle ouvrit toute grande la porte et constata qu'elle donnait sur le plus joli jardin qu'elle ait jamais vu. Comme elle aurait aimé sortir de cette salle. Mais elle ne pouvait même pas passer sa tête dans la porte tant ses dimensions étaient petites. Mais j'y pense. Le petit flacon. Buvez-moi. Vous rapetisserez. Il doit être fait pour ça. Oh, que ce serait amusant. Mais j'espère que ce n'est pas dangereux. Alice retourna chercher le flacon et prit en même temps celui qui faisait grandir. Allez, allez, du courage. Bois. Oh, je me sens toute drôle. Ça y est, je suis en train de rapetisser. Et ce fut en effet ce qui arriva. Elle devint si petite qu'elle put franchir la porte et se retrouva tout éblouie dans le jardin des merveilles. Tous les arbres étaient en fleurs. Les fleurs étaient de toutes les saisons. L'air était clair, le soleil était doux. Le chant des oiseaux chantait de mille cuicuis purs et limpides. Alice allait de fleur en fleur pour respirer leur parfum. À une fontaine, elle but une eau fraîche et délicieuse. Elle commençait à se familiariser avec les lieux lorsqu'elle aperçut quelque chose de bien singulier. Un chat et une souris, qui semblaient s'entendre à merveille, ce qui est peu fréquent, vous en conviendrez, travaillaient de concert à une étrange tâche. Bonjour. Bonjour. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes en train de peindre en rouge les roses de ce rosier blanc ? Le chat sourit poliment et se mit à disparaître graduellement du sourire jusqu'à la queue, si bien qu'on ne voyait plus que son sourire. Puis il réapparut de la queue jusqu'au sourire. Voyez-vous, Sa Majesté la Reine de Pique nous a donné l'ordre de planter ici un rosier rouge. Ah, vous êtes les jardiniers ? Ben oui, et nous nous sommes trompés. Et si la reine s'en apercevait ? Elle nous ferait couper la tête. À cet instant, le regard de la souris se tourna vers le bout du jardin. Elle trembla soudain de tous ses membres. Voici la reine. Oh mon Dieu, nous sommes perdus. En effet, le cortège de la reine approchait. Tout un jeu de cartes au pas de loi s'avançait. Les piques étaient armés de piques. Les cœurs battaient le tambour. Les trèfles avaient quatre feuilles noires à leur uniforme. et les officiers de carreau avaient chacun dans l'œil un monocle qui brillait cruellement au soleil. Il y avait d'abord les As, grands, beaux et forts, et puis les deux, les trois, les quatre, et ainsi de suite, suivis des valets, des dames, enfin, dans un beau carrosse doré, princes et princesses, la reine de pique et le roi. Le cortège s'arrêta devant Alice. Je n'ai vu que des arbres en fleurs, des fleurs de toutes les couleurs, un jardin de mille merveilles où butinent les abeilles, un jardin des quatre saisons dans la douceur du printemps où tout était de bon temps, pas même le souffle du vent. J'ai vu un chat, une souris qui peignait un rosier blanc et semblaient de vrais amis, et ce tout en travaillant. Plus loin, un cortège étrange avançait au pas de loi, qui n'avait non rien d'un ange et qui semblait faire sa loi. S'arrêta tout près de moi. C'était la reine de pique avec toute son armada. Trois coups ont alors sonné, mais ce furent bien les derniers. Et ce fut à point nommé que les cartes se sont envolées. Et ce fut à point nommé que les cartes se sont envolées. Et ce fut à point nommé que les cartes se sont envolées. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous, ma petite? Je m'appelle Alice, votre majesté. Et vous, greffier, que faisiez-vous à ce rosier? Il plaît à votre majesté. Nous sommes jardiniers, nous étions en train de... Et ce greffier, je veux dire ce jardinier, enfin, ce chat est étrange décidément. Il se mit à nouveau à disparaître du sourire jusqu'à la queue, et puis après à réapparaître de la queue jusqu'au sourire. Qu'on lui coupe la tête! Le lapin blanc, qui jusqu'ici n'avait pas fait son apparition, surgit de derrière un buisson. Oh, mais majesté, on peut à la rigueur séparer une tête d'un corps. Mais comment séparer un sourire de rien du tout? Et puis, avant de le condamner, ne faudrait-il pas le juger? Cela me semble très juste. Je vais donc les juger. On leur coupera la tête tout de suite après. Mais c'est une manie. Que le procès commence! À ce moment, le jardin des merveilles se transforma, comme par magie, en une grande salle. C'était le tribunal. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Chacun était à sa place. La reine faisait fonction de juge, car le roi avait, comme d'habitude, un air doucement absent. Et les gendarmes de pique contenaient avec leurs lances une foule incroyable d'accusés. C'étaient des créatures de toutes sortes, aussi différentes que possible. Alice distingua... Des lézards, des canards, des écureuils, des bouvreuils, des hérissons, des hiboux, des coucous et un raton laveur. Et plus étrange, et plus inquiétant aussi, il y avait là des êtres humains. Le lapin blanc prit la parole et présenta Alice à l'une des accusées. Madame la Duchesse, je vous présente Alice. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous êtes accusée aussi? Oh oui, il paraît que j'ai mis du poivre dans les tartelettes aux cerises de la reine. Le lapin blanc continua les présentations. Monsieur le marchand de chapeaux, je vous présente Alice. Enchantée. Et de quoi êtes-vous accusé, monsieur le chapelier? Eh bien, j'ai pour ami le lièvre avec qui j'ai l'habitude de prendre le thé. Cela n'a pas plu aux autorités. C'est bien, monsieur le lapin. Mais dans ce tribunal, je vois bien le juge et tous les jurés et beaucoup d'accusés. Mais je ne vois pas d'avocat pour prendre la défense des accusés, ni de procureur. Pouvez-vous me dire les raisons? Félixon, oui, Oraké, ce Véroniquet, course aux courses. C'est de l'anglais? Ah, non, c'est du lapin d'aigle. C'est du lapin. Oui, évidemment. Vous savez, j'étudie le latin et je n'en suis encore qu'à Rosa, Rosae. Ouh, ma pauvre enfant! Je voulais dire, heureux celui qui a pu connaître les choses et les résoudre. Enfin, je vais essayer de vous expliquer. Nous vivions jadis tous heureux et en bonne intelligence dans notre pays des merveilles. Animaux, oiseaux et êtres humains. Nous nous supportions et même nous nous aimions bien. Chacun faisait comme bon lui semblait. Et puis un jour, nous fûmes envahis par des armées d'ennemis. Oh! Oh! Et la loi militaire s'est abattue sur nous et la volonté bien arrêtée de nous réglementer et de ne plus nous laisser faire autre chose que de nous taire. Voilà pourquoi nous sommes tous accusés. Dans ce petit tribunal, rien n'est vraiment normal. Personne n'a la parole sur ces bancs d'école. Il y a beaucoup d'accusés pour de tout petits faits. Un jugé, des jurés, prêts à sanctionner. À l'esprit, le parti du monde des petits. Ça ne tient pas à grand chose pour faire changer les choses. Suffit de trois fois rien et soudain tout va bien. Pas même un avocat pour défendre leurs droits. L'absence d'un procureur et des êtres qui se meurent. De voir ainsi leur vie tout bonnement mise à prix. Mais Alice a tout vu, la justice sera rendue. Alice prit le parti du monde des petits. Ça ne tient pas à grand chose pour faire changer les choses. Suffit de trois fois rien et soudain tout va bien. Silence ! Qu'on lise l'acte d'accusation. Le lapin blanc est accusé d'avoir conspiré avec la duchesse, qui est accusée d'avoir mis du poivre dans le thé du chapelier, qui est accusée d'avoir peint en bleu un rosier orange, qui est accusée de... Qu'on leur coupe la tête ! La jeune fille, qui assistait à ce simulacre de procès, ne put s'empêcher de prendre la parole. Mais ce n'est pas ça du tout. Vous mélangez tout. Je proteste. Alors voyons, que savez-vous de toute cette affaire, petite ? Alice, révoltée de tant de cruauté, se souvint de la bonbonnière. « Mangez-moi, vous grandirez. » Elle prit un bonbon, l'avala, et voilà qu'elle se mit à grandir et à reprendre sa taille normale. Article 42. Toutes les personnes dont la taille dépasse 1 km doivent quitter le tribunal. Je ne sortirai pas. Cette loi, vous venez de l'inventer à l'instant. C'est la loi la plus ancienne du code. Alice, qui était loin d'être une idiote, eut la répartie. Alors pourquoi porte-t-elle le numéro 42 ? Elle devrait porter le numéro 1. Taisez-vous ! Si je veux. Je suis bien trop grande pour avoir peur de vous. Après tout, vous n'êtes jamais que des cartes. Et je peux d'une pichenette vous faire tomber à terre. À ce moment de colère, toutes les cartes se soulevèrent dans les airs et se mirent à lui tomber dessus comme une nuée de feuilles mortes. Ce fut à cet instant-là qu'Alice se réveilla. Elle s'était tout simplement endormie sous un arbre au bord de la rivière, la tête sur les genoux de sa grande sœur. Celle-ci écartait doucement quelques feuilles qui tombaient des branches sur son visage en flottant dans la brise. Qui du rêve ou réalité a le pouvoir de décider du sang jeté à nos aînés, à part peut-être une bonne fée. Ça commence toujours par magie. C'est la tragédie, comme toucher l'envers du décor, quand on juge ou accuse à tort. Rêve ou réalité. merci la vie, rêve ou réalité. Quand tout s'éclaire, je dis merci la vie. Au moins ce rêve m'a appris, appris une règle dans la vie. Dans le jardin poussent des merveilles, et je ne vois rien à mon réveil. Qui ne pense qu'à mon 4 heures et qui me porte dans son cœur, c'est ça l'image du vrai bonheur. Rêve ou réalité, comme par magie, quand tout s'éclaire, je dis merci la vie. Rêve ou clair, je dis merci la vie. Mais réveille-toi, petite Alice, c'est l'heure du goûter. Il reste des tartelettes aux cerises. Oh, oh, quel drôle de rêve. J'étais, figure-toi, au pays des merveilles. J'avais suivi un lapin blanc très élégant qui m'avait frôlé en galopant et... Mais elle ne prit pas le temps de finir sa phrase, car l'odeur de ce bon goûter qui parvenait jusqu'à ses narines chassa tout cet horrible cauchemar. Ou ce rêve, c'est comme vous voulez. Mais s'agissait-il vraiment d'un rêve? Je vous laisse juger.